C'est l'histoire d'un jeune médecin qui se sentait à l'étroit dans les murs de son hôpital toulousain et qui rêvait d'ailleurs et de lointain. Sur les murs de sa chambre, on pouvait lire cette phrase du navigateur Bernard Moitessier : « On n'empêche pas une mouette de prendre le large ». Nous étions en 1976, notre jeune médecin Jean-Louis Étienne, pas encore trentenaire, s'apprêtait à prendre son envol. Lui qui rêvait d'aventure va être servi, plusieurs tours du monde à la voile, puis les montagnes jusqu'à la face nord de l'Everest, et bien sûr les pôles nord et sud, à ski, en traîneau, en capsule dérivante ou en ballon. Impossible d'égrener toutes les expéditions que l'explorateur a menées à bien en un peu plus de 40 ans. Et ce n'est pas fini, la prochaine PolarPod serait pour bientôt. Il s'agit cette fois de faire le tour de l'Antarctique à bord d'un bateau vertical porté par les courants. Qu'est-ce qui fait courir Jean-Louis Étienne? Que retient-il de ses nombreuses expéditions? Et comment a-t-il travaillé avec les scientifiques pendant toutes ces années? C'est ce que nous allons voir avec lui cet après-midi. Il participera le week-end prochain au festival La Cité des Aventuriers à la Cité des Sciences à Paris, tout comme Élodie Haraud qui nous rejoindra en fin d'émission pour nous raconter l'expédition qu'elle a menée sur les traces des naufragés du radeau de la Méduse. Voilà pour le programme de notre deuxième heure. France Inter. Du vent dans les synapses, Daniel Fievé. Une marche dangereuse au milieu d'un paysage parsemé de crevasses. Depuis un mois maintenant, Jean-Louis Étienne et ses compagnons longent la péninsule antarctique. Les traîneaux et les chiens sont ralentis par des conditions difficiles. La montée à travers les glaciers pour atteindre le grand plateau est truffée de pièges. Le peu de neige tombé ces derniers mois recouvre à peine ces plaies béantes de la terre que représentent les crevasses géantes. Les ponts de neige ne sont alors pas assez solides. Les risques de chute omniprésents, les chiens en sont souvent victimes. De longues heures d'efforts qui retardent la marche et fatiguent les organismes. Il faut gérer son temps au mieux, car le chemin à parcourir est encore très très long. Il reste devant à peu près 6000 km. Ça va durer entre 5 et 6 mois. C'est le grand plateau antarctique. Notre prochaine direction maintenant, c'est vraiment plein sud. Il y a pas mal de kilomètres, hein. Il y a presque 2000 km à faire pour aller au pôle sud. Et après, il en restera un peu plus encore pour la Myrnie de l'autre côté. Ce reportage a été diffusé dans le JT d'Antenne 2. À l'époque, nous étions le 15 septembre 1989. C'était il y a 30 ans, quasiment jour pour jour. Jean-Louis Étienne, vous entamiez la plus longue traversée de l'Antarctique en traîneau à chien jamais réalisée. Vous vous souvenez précisément de l'état d'esprit dans lequel vous étiez en débutant cette nouvelle aventure? C'est extraordinaire, parce que c'est une expédition qui était internationale déjà. On était 6, avec un Russe, mais qui était de l'Union soviétique, ouais. Un Américain, un Chinois de Chine populaire, un Japonais, un Anglais et moi. Avant, nous avions traversé le Groenland de sud au nord, 2000 km de mois d'expédition pour s'entraîner, pour prendre connaissance des attelages de chiens, comment est-ce qu'on mène les chiens quand même. Et c'est un souvenir inoubliable, et vous le mentionnez, ça fait 30 ans, et on se retrouvera bientôt au Japon, tous les 6, pour fêter les 30 ans de Transantarctica. Mmh. Donc c'est une expédition surtout qui m'a ouvert sur le monde, voyez. Il y avait un symbole derrière tout ah ça. Ah oui, il y avait un symbole fort, c'est-à-dire que 89, c'était la fin, c'était l'expiration de la première tranche du traité de l'Antarctique, qui dit que ce continent doit rester une terre de science, une terre de paix. Et donc il y avait des discussions pour savoir qu'est-ce qu'on fait à l'Antarctique. Et la reconduction n'était pas tout à fait automatique, puisqu'il y avait des États qui avaient des ambitions sur ce continent. Et donc on était d'accord tous les 6 en disant on va être les ambassadeurs du traité de l'Antarctique. Mmh. Et donc on était animés par cette ferveur qui est une reconduction du traité. Alors sur votre parcours, il y avait le pôle sud, vous avez donc atteint ce pôle sud avec vos traîneaux à chiens. Ça ressemble à quoi le pôle sud? Ben, le pôle sud, c'est au milieu d'un immense plateau blanc. Et donc il y a une coupole et puis il y a une station qui est la station américaine. Les Américains se sont installés au pôle sud. Ouais. Et il y a une multitude de drapeaux, les drapeaux des pays qui ont signé. Mais nous étions une organisation non gouvernementale et le traité de l'Antarctique dit de ne pas accueillir ou supporter les expéditions non gouvernementales. Mais on avait avec nous un Chinois et un russe, donc soviétique, et eux étaient là avec nous d'une manière très officielle. Et donc, les Américains avaient reçu un papier en leur disant « Recevez nos deux, qui sont nos ambassadeurs, etc. » Donc, nous avons été accueillis à la station. Alors, vous étiez suivi depuis la France, hein, pendant toute votre traversée, notamment par les écoles. Et à votre arrivée, hein, donc pas au pôle Sud, mais une fois que vous avez traversé ce grand continent blanc, eh bien, vous aviez fait une liaison depuis l'Antarctique avec la Villette où se trouvaient les enfants. Si la Villette, Jean-Louis, est-ce que tu nous entends ? Oui, je vous entends très très bien. Est-ce que vous me recevez là, vous ? À nous, on te reçoit parfaitement. D'ailleurs, je ne sais pas si tu entends ici les applaudissements. Voilà les applaudissements, je ne sais pas si tu entends. La première question, tu viens de traverser l'Antarctique, tu l'as fait un petit peu pour qu'on se pose la question de sa protection. Qu'est-ce que tu as à dire aux enfants, là, maintenant que tu viens de terminer ? Ah, ben je leur dirai un peu ce que j'ai dit au début. L'Antarctique est un immense continent, c'est grand comme l'Europe et les États-Unis, donc c'est géant, c'est pas un petit jardin. Et en général, ce qu'on connaît de l'Antarctique, c'est la péninsule, c'est-à-dire le bout du nez un peu. Et là, on vient de traverser le continent qui est immense. L'intérieur du continent, il est fort, il est puissant, il est géant, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à craindre. À l'heure actuelle, l'Antarctique est un continent qui est tout blanc, il faut qu'il le reste. Ce qui est important, c'est que c'est un continent qui n'appartient à personne. Et donc je crois qu'il est temps sur un continent comme ça que tous les pays s'accordent pour dire « Eh bien celui-là, on l'offre à la jeunesse, on l'offre à la planète, on l'offre à tout le monde et on n'y touche pas pour toujours ». Je crois que c'est ça qui est important. Il faut que ce continent soit, je dirais, le continent de tous les hommes. Jean-Louis Etienne, 30 ans après, vous tiendriez toujours le même discours. Est-ce que vous seriez plus inquiet aujourd'hui qu'il y a 30 ans pour ce grand continent blanc Antarctique ? Le continent blanc, il est comme tous les glaciers, parce que c'est un glacier géant. L'Antarctique, c'est grand, effectivement, je viens de le signaler, mais c'est grand comme 28 fois la France, avec 2,5 km d'épaisseur moyenne de glace. Et donc c'est un glacier, donc par gravité, ça descend vers la mer. Et aujourd'hui, avec la montée du niveau de l'eau des océans, avec la montée de la température des océans, il y a une érosion de la glace, avec une perte de glace à la périphérie, qui est beaucoup plus importante. Juste pour vous préciser, nous avons longé la péninsule antarctique, et donc il y a ce qu'on appelle des plateaux de glace. La glace descend des montagnes et flotte sur la mer. Les 600 premiers kilomètres ont disparu. Ouais. C'est-à-dire que le trajet que vous avez fait il y a interrompu sur 600 ans, kilomètres. Ouais, il y a 600 kilomètres qui manquent, qu'on ne pourrait plus refaire aujourd'hui. Ben oui, le plateau de glace qui est flottant a disparu. Juste une précision, quand on a fait ça en 89-90, il y a deux événements importants quand même. C'est la fin de l'Union soviétique. Il faut dire quand même, quand on l'a fait en 86, il n'y a pas de GPS, il n'y a pas de téléphone, il n'y a rien. Donc, moi, j'avais une radio par onde courte pour essayer de capter les radios amateurs. J'avais RFI de temps en temps. Et je suivais le changement du bloc soviétique. Et Victor Boyarski, le russe, il me disait, qu'est-ce qui se passe dans mon pays? Et donc, je lui ai décrit quand j'arrivais à capter des informations. Donc, il est parti en Union soviétique, il est revenu russe. Et juste une chose supplémentaire, c'est que la même année, le Dalai Lama et prix Nobel de la paix. Et là, le Chinois n'était pas content du tout. Vous avez vraiment vécu la géopolitique mondiale depuis ce continent. Absolument. Alors, ce goût pour l'aventure, ce besoin d'aller là où les conditions sont rudes et où les humains ne peuvent être que de passage, vous l'avez en vous depuis toujours, j'ai l'impression, Jean-Louis Etienne. Oui, c'est difficile à dire, effectivement. Mais moi, je suis né à la campagne, j'aimais vivre dehors, j'aimais l'hiver, voyez. Ouais. Et à 14 ans, j'avais fait une liste de matériel à partir d'un magasin qui avait disparu, qui s'appelait La Hutte. Il y avait le catalogue de La Hutte, c'était des magasins où on pouvait acheter des tentes, des sacs de couchage, du matériel camping, pour aller camper dans les Pyrénées en hiver. Je ne sais pas pourquoi, vous voyez, mais j'ai toujours eu cette attirance. Déjà pour l'organisation, hein, c'est-à-dire que vous êtes un organisateur d'expéditions, et en fait ça commence par là, vous avez commencé par organiser des expéditions virtuelles. Oui, exactement. Alors c'est vrai qu'on me dit, alors vous arrivez d'où, vous repartez quand? Je dis doucement. C'est exactement ce que vous dites. Moi, je suis un entrepreneur d'expédition lointaine. C'est une entreprise, une expédition entre l'idée et l'expédition, c'est presque la récompense par rapport à la masse d'organisation qu'il y a derrière. Mais pourquoi avoir fait médecine alors, si vous aviez ça dans la peau depuis d'abord, toujours? Vous savez, j'ai fait une formation de tourneur-fraiseur au collège technique. Puis on a dit, ce gars-là, il peut peut-être passer le bac. Donc j'ai passé le bac technique. Et le bac, c'était une opportunité que je n'avais pas imaginée. Qu'est-ce que je vais faire avec le bac? Alors c'était, je me souviens que je voulais être ingénieur des eaux et forêts. J'avais l'idée de vivre dans la nature. Et on m'a dit, mais si tu fais ingénieur des eaux et forêts, tu verras jamais la nature, mais tu seras dans des bureaux pour gérer des stocks de bois. Bon, ça ne m'avait pas... Et la médecine, parce que j'aimais les sciences naturelles. Et j'avais un désir d'implication sociale, et ça a été la médecine. Alors la médecine a été un passeport pour l'aventure, hein, finalement. D'ailleurs, vos premières expéditions se sont organisées un peu au fil des rencontres. C'est ainsi qu'en 1977, vous embarquez avec Éric Tabarly et son équipage sur Penduic 6. Vous avez alors 30 ans, et les téléspectateurs de TF1 qui vous regardent sur leur écran sont loin de se douter qu'ils n'ont pas fini d'entendre parler de vous, Jean-Louis Etienne. J'ai pu embarquer comme équipier parce que j'étais médecin, parce que j'ai pas d'expérience de voile. Et pour être sur le 6, il faut être un bon équipier, il faut connaître la voile. Je crois que je suis d'abord équipier plus que médecin, heureusement. Mais disons que le rôle de médecin pour des longues étapes, c'est surtout de tranquilliser, de faire le tri entre ceux qui est sévère et ceux qui n'est pas sévère. De savoir dire à un certain moment, bon, maintenant ça devient grave, il faut prendre des décisions, il faut faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il faut pour faire ça? Tu pourrais opérer? Je pourrais opérer, oui. Un mot sur Tabarly. Monsieur Tabarly, puisqu'il est en bas, il nous entend pas. Ouais, je l'ai connu à Rio. Et j'ai entendu sa voix qui disait, il me dit, mais peut-être des fois j'ai besoin de médecin. Alors là, je me suis retourné, j'ai branché. Je lui ai réécrit en septembre et puis il m'a envoyé un petit mot en me disant, vous pouvez venir si vous voulez. Alors tu vois, je ne le connaissais pas du tout. On s'était rien dit, deux, trois mots. Tu as vu, il n'est pas très causant. Mais ça suffit, quand il s'est passé quelque chose. Et puis j'ai embrayé là-dessus et voilà. Nous étions, Jean-Louis Etienne, je vois votre sourire en réécoutant cette interview de 1977, donc en juillet 77, dans le Pacifique. La voix n'a pas tellement changé, l'accent a peut-être un peu évolué. Oui. Vous avez rencontré Tabarly par hasard en 1975 dans un aéroport. À Rio. C'est la chance et puis le culot d'aller le voir parce que vous l'avez accosté. Oh, mais j'avais les mains moites, hein, que j'y suis allé. Qu'est-ce que vous êtes allé lui dire? Ben, j'avais envie effectivement de naviguer, je rentrais du Fitzroy, c'est un sommet magnifique qui est en Patagonie, je faisais une escale à Rio, il y avait des bateaux de course qui étaient là, et donc je me dis peut-être que je pourrais rentrer en bateau, donc j'ai proposé mes services de médecin à quelques bateaux de course qui rentraient en Europe, on m'a dit non, mais il y a Tabarly qui peut-être, qui fera la course autour du monde, et il prend des médecins tout le temps, mais il n'est pas là. Ça m'arrangeait un peu, j'avais l'impression d'avoir déjà un peu de m'être bousculé, vous voyez. Et à Rio, à l'aéroport, je vois quelqu'un, je dis, ça c'est lui, il faut que j'y aille. Et voilà, j'y suis allé. Et donc, Eric, comme d'habitude, il était tellement sollicité. Tout le monde voulait embarquer avec lui. Il croyait que j'étais encore un marin qui voulait. Je dis non, je suis médecin, mais je suis alpiniste. Alors là, tout d'un coup, j'ai ouvert une brèche dans son écoute. Le profil atypique. Oui, je suis médecin, mais j'étais interne en chirurgie à ce moment-là. Donc, je suis sportif et j'aurais du temps à y consacrer. J'ai envie. Voilà. Et il m'a écrit un an après. J'étais revenu à la fac, d'ailleurs. Et voilà, si vous voulez faire venir et faire la course autour du monde. Et... Ouais. Alors d'ailleurs, vous avez embarqué, je crois que vous étiez le bateau disqualifié pour cette course autour du monde, mais vous avez quand même fait le tour du monde. On a fait une grande partie, on était parti pour faire Los Angeles Honolulu, la Transpac, ouais. Et puis là, on a commencé à être disqualifié parce que le bateau avait une quille en uranium appauvri, bien sûr, ouais. Mais c'est une densité beaucoup plus intéressante que le plomb, vous voyez. Ouais. Donc les Anglais nous ont disqualifiés parce que Eric était une menace pour la victoire, vous voilà. Voyez, bien sûr, c'était ça. Et donc on est parti, on a été les Marquises, on a fait toutes les îles Pacifique et ça, on l'a vous êtes rejoint. Allé jusqu'aux Marquises. Alors, vous le dites très vite, mais aux Marquises, vous avez été pris en stop. Ça a de l'allure, quand même. Ah oui, oui. À Nuku'iwa, on a mouillé dans une baie et on allait au village à pied. Et tout d'un coup, il y a une voiture qui s'arrête, un 4x4. Jacques Brel qui était là. Et donc, il nous a pris sa voix. Je me souviens de sa voix parce que ça faisait un peu de bruit sur la piste, comme ça. Et sa voix qui recouvrait tout ça, quoi. Et le soir, on a été invité par le médecin de l'île. Et on entendait, il avait un orgue électrique et il préparait son disque sur les Marquises. Mmh. C'était très émouvant. Ouais. Ah ouais. Sacré souvenir pour ce tour du monde. Donc, on a été à Auckland, en Nouvelle-Zélande. On a fait le Auckland Rio, le Cap Horn. Ce qui était drôle quand j'en parle à des navigateurs aujourd'hui. On n'avait pas de GPS, on faisait le point au sextant. Et donc, pas de radio, rien du tout. On n'avait pas de météo. On prenait ce qui arrivait. Mais aujourd'hui, les bateaux, ils vont plus vite que les déplacements des dépressions. Donc, ils jouent avec le vent, chose qu'on ne pouvait pas faire avec le Penduic 6. Alors, à l'époque, hein, les régions polaires ne font pas encore partie de vos obsessions. Vous alternez entre mer et montagne, voile et alpinisme. Vous avez eu l'occasion de gravir l'Everest. Alors, c'était en équipe. Et là, vous étiez le médecin de la bande. Oui, hein. Oui, oui. Non, je ne vais pas aller au sommet. Hein. Je vais quand même aller à 7008, on manque d'air. Hein. Et donc j'étais le médecin, effectivement, Yannick Seigneur et Jean Afanassiev, c'était les grands alpinistes de cette époque-là. Et donc j'avais été recruté comme médecin. Et le médecin, dans ces conditions, il est là pour orienter. Et je me souviens, il y avait eu 3 tentatives sur le sommet. On était en post-mousson, on était en octobre, il commençait à faire froid. Et donc, il y en avait toujours. Ils sont incroyables, les alpinistes, qui ont une espèce de persévérance, d'acharnement. Ils ont été en camp de base à presque 6000 mètres. On est épuisés. Je me souviens d'avoir dit à. Il y en a 2 qui disent, moi, j'y repars, parce qu'il y avait du matériel. J'avais dit à Yannick Seigneur, Yannick, je le prends sur moi. Je suis médecin, on est tous en vie. Il risque de ne pas revenir, quoi. Parce que c'est incroyable, cette persévérance. Et en été, il faisait commencer à faire très très froid, tout le monde était épuisé après 2 mois à plus de 6000 mètres, quoi. Alors on nomme parfois l'Everest le troisième pôle. Est-ce que c'est sur les pentes de l'Everest qu'a germé dans votre tête l'idée d'aller alors d'abord au pôle Nord, puis au pôle Sud? Oui, ça, je me souviens très bien, il y avait 4 gars qui étaient coincés à 8000 mètres. Et donc moi je suis monté au camp 2, j'étais seul, j'avais pris de l'oxygène parce que on les attendait, on était très inquiets. Et j'étais tout seul sous la tente et j'ai dit mais la prochaine fois ça sera la mienne. Vous voyez, mon expédition, ça faisait 10 ans que je faisais des expéditions et ça sera la mienne. Et le pôle Nord s'est imposé comme chose que je pouvais faire. C'est pas technique le pôle Nord, tirer un traîneau, vous voyez. Là, ça se complique, c'est le camping qui est compliqué, quand il fait très froid. On va avoir l'occasion de le découvrir. Nous avons commencé cette émission par le pôle Sud, nous allons mettre le cap sur le pôle Nord dans un instant. Ce pôle semble exercer sur vous, Jean-Louis Etienne, une véritable aimantation. Vous y êtes allé à ski, en capsule dérivante et en ballon. Vous allez nous raconter cette trilogie du pôle Nord dans un instant. Jean-Louis Etienne fait souffler un vent polaire dans nos synapses cet après-midi sur France Inter. Je ne sais pas si je suis encore vivante. Sinon, quelle est cette douleur qui me hante? Mon corps se balance au-dessus d'une mer immense, mais je m'accroche à vous. Il ne me reste plus que quelques souvenirs d'enfance qui déjà deviennent flous. C'était Clara Luciani qui chantait Bovary. France Inter. Du vent dans les synapses. Daniel Fievé. Resolute Bay, okay, Grand Nord canadien. Ça y est, un duopôle, 59, 89, 59 et des poussières, 4 degrés ouest. C'est gagné, à toi Jean-Louis. 5 heures du matin. Dimanche 11 mai 1986, Jean-Louis Etienne a gagné son pari. Le marcheur solitaire n'a plus qu'à attendre l'avion qui, après 10 heures de vol, l'arrachera à la banquise. Mais la météo imprévisible se détraque. Sans le plein soleil, ce serait du suicide de poser au jugé le Twin Otter sur la glace. Une longue attente commence pour Jean-Louis. 92 heures, 4 jours, il bat malgré lui un second record, celui de l'homme qui aura habité le plus longtemps au pôle. Par radio, il nous dit « Je commence à avoir faim ». Alors, il faut prendre des risques. L'avion décolle surchargé en carburant et miracle, le ciel se dégage. Jean-Louis est sauvé. papy, c'est bon, on va. Tout va bien. C'est hyper dur. Hyper dur. Allez, repousse-toi, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ok, allez, laisse-toi embrasser, va. Bravo! Maintenant, il peut en toute quiétude planter le drapeau français pile au point 90 degrés, le pôle Nord. La terre lui tourne sous les pieds et le champagne lui tourne la tête. Nous étions en 1986, Jean-Louis Etienne, vous deveniez le premier homme à atteindre le pôle Nord en solitaire, en tirant vous-même votre traîneau à ski. La traversée aura duré 63 jours. Je vous vois écouter les archives avec beaucoup d'attention sur les mots. Jean-Louis Etienne dit qu'il commence à avoir faim, vous acquiescez, vous vous souvenez de tous ces moments très précisément. Oui, non, parce que là, j'étais dans une opération de survie à la fin, quoi. Ouais. J'avais pratiquement plus rien à manger. Et j'avais réussi mon pari, donc j'étais soulagé. En même temps, je sentais qu'il fallait qu'on vienne me chercher. Un avion sur ski devait venir me chercher. Et vous savez, je l'ai fait, donc c'est 86, il n'y a pas de GPS, pas de téléphone, rien. J'avais une balise Argos, donc ça émet un signal. Donc les autres savent où je suis, mais je n'avais pas quel était mon niveau de batterie, donc je la faisais marcher un tout petit peu. Et puis, ils ne voulaient pas venir parce que le temps était mauvais. Puis je leur disais, mais si il fait beau. Donc ils croyaient que je commençais à un peu délirer, vous voyez. Je voyais commencer à avoir du soleil où il n'y en avait pas. Et ils ont décidé de venir avec plein de sacs de nourriture de manière à les larguer au-dessus de moi s'il y avait du brouillard, quelque chose comme ça. Moi. Voilà. Et donc, je les attendais. Puis, à un moment donné, j'ai entendu un bruit comme ça dans le silence. Je dis, ça, c'est un avion. Parce qu'on en entend plein des avions quand on veut en entendre, vous voyez. À un moment donné, je dis, mais c'est ça. Donc, je suis sorti et j'ai vu l'avion, mais très, très haut. Il ne m'avait pas repéré. Et je dis, je suis juste au-dessus de vous. Et là, on entend Michel Franco qui dit, il est là. C'est-à-dire, il s'était par le hublot de l'avion à essayer de ne pas me perdre de vue, parce qu'on est un tout petit point. Oui. Ils étaient à presque 2000 mètres quand ils m'ont vu, on est un tout petit point. Et puis, ils ont réussi. Alors, pour atteindre ce pôle Nord, il vous aura fallu deux tentatives. La première avait échoué. Vous vous sentiez plus prêt pour la deuxième? Oui, le traîneau était beaucoup plus léger. Vous vous rendez compte, j'avais un traîneau en Kevlar de 3 kilos. Quand je suis arrivé là à Resolute Bay, les Inuits, ils ont dit, je suis désolé monsieur, mais le traîneau n'est pas arrivé, il n'y a que l'emballage. Vous voyez, ça donne une idée de truc, ils n'y croyaient pas, alors, j'avais un matériel beaucoup plus adapté. Il y a eu quand même quelques frayeurs, notamment à un moment, lors de cette réussite en 86, sur le trajet, à un moment, vous tombez à l'eau. Alors pas entièrement, mais c'est très périlleux. On est dans des températures négatives. Oui, surtout quand vous passez à travers la glace, il faut... Le pôle Nord est au milieu d'un océan gelé. Ouais. Et cette banquise, elle dérive sans arrêt, donc elle se casse, elle regèle, elle s'entrechoque, donc c'est un chaos permanent. Et de temps en temps, vous devez passer sur une glace fraîchement regelée. Et puis des fois, vous n'avez pas d'autre choix, donc j'étais seul. Et donc je m'avançais. Et alors, la glace de mer, c'est une glace salée, elle est un peu flexible. Vous sentez que ça bouge, et on me dit, je suis passé à travers. Je savais que si jamais je passais à l'eau, j'étais mort. Et c'est très difficile d'en sortir parce que vous pataugez, puis très vite vous êtes pris, vous voyez, vous êtes immobilisé par le froid, et puis la glace autour de vous, elle est effritée, elle est cassée. Voilà. Et je savais que si jamais ça arrivait, je devais me coucher pour limiter la pression, vous voyez, et j'ai rampé comme ça, et j'ai réussi à m'en sortir. Quoi. Donc pendant des heures, j'avais cette idée que j'aurais pu disparaître. Quoi. Ouais. Dans cette expédition-là, il n'y avait pas de dimension scientifique, c'était avant tout un exploit sportif. Oui, et la seule science qu'il y a eu, elle était sur moi, j'étais le cobaye d'un travail sur la thermorégulation. Ouais. C'est intéressant, vous voyez, donc il y a eu une thèse qui a été faite dessus, par moi, par une étudiante de la faculté de médecine de Lyon. Ma température au repos, à la fin, elle était de 35,5. 1,5 degré en dessous de la normale. Vous voyez, si on me mettait à 35,5 aujourd'hui, on serait tous un peu pâteux. Vous voyez, viscosité mentale, on va dire. Ouais. Hein. Ça veut dire que le corps a cette intelligence de s'adapter et au lieu de demander des calories, de manger, il baisse le thermostat à 35,5. C'était un des constats scientifiques de ce projet. Alors, il va y avoir quand même une évolution dans votre parcours au fil des expéditions. L'exploration se fait de plus en plus scientifique. La part de ce que vous demandent les chercheurs au cours de vos expéditions est de plus en plus importante. Ça correspond à une évolution aussi personnelle ? Bien sûr, oui. Moi, j'aime beaucoup la science. J'écoutais l'émission avant sur les exoplanètes. J'adore la science. Ça m'a toujours fasciné. Ça fait partie de la... J'adore la pédagogie aussi, et c'est un peu votre métier, essayer d'expliquer des choses simplement, qui sont complexes des fois, trouver les mots justes, j'ai toujours aimé ça. Et donc après la traversée de l'Antarctique, oui, j'ai fait construire le bateau qui s'appelle Tara aujourd'hui, qui était Antarctica. Et là, c'était un véhicule formidable pour amener des scientifiques. Donc effectivement, il y a cette part d'une approche d'un terrain difficile, un outil à construire, donc là c'était Antarctica qui s'appelle Tara, et puis une pédagogie à faire, et je fais venir des scientifiques et une aventure. Moi, j'aime ce triptyque, science, aventure et pédagogie. Et en 2002, on vous retrouve de nouveau sur la banquise de l'Arctique pour une nouvelle mission. L'expérience est unique. À bord d'un radeau des glaces, posé sur la banquise, l'explorateur se laisse dériver au gré du courant. Il devrait atteindre le Groenland en juillet. Nous avons pu le joindre il y a moins d'une heure. Et la solitude ne m'angoisse pas, le décor ne m'angoisse pas du tout. Non, c'est la nuit dernière, il n'y a pas eu un pouce de vent et j'ai été réveillé par le silence. C'est un silence absolu, quoi. C'est-à-dire, c'est comme si vous étiez dans un studio complètement compact et étanche à la moindre vibration. J'ai une tour d'observation là qui fait une dizaine de mètres. Et hier soir, je suis monté dans la tour et j'ai vu le premier phoque. Un phoque qui est sorti par un trou de la banquise, donc j'ai essayé de m'approcher, après il était à 500 mètres, j'ai essayé de m'approcher, mais dès qu'il a entendu mes pas, il est rentré dans son trou. Alors là, en 2002, sur le Polar Observer, c'est cette capsule, on dirait une capsule spatiale, posée sur la banquise. Oui. Cette fois-ci, c'est plus vous qui vous déplacez à ski, c'est la capsule qui dérive. C'est la banquise qui me déplace, ouais, dans sa pratique, dérive. C'est pas mal. Ah oui, j'en avais tellement bavé, on va dire, pour aller au pôle Nord. Un jour, je me suis dit, mais je m'installerai, je dériverai avec la banquise. Et donc, on parlait beaucoup, c'était en 2002, beaucoup du réchauffement climatique, la banquise qui commence à diminuer d'épaisseur. Et donc, on m'avait confié tout un panel de mesures à faire sur la température, des profils d'océan, etc. Ça m'occupait beaucoup, j'étais seul, je suis resté là pendant 4 mois. À dériver avec la banquise. Vous n'êtes pas ennuyé à bord de cette capsule ? Non. Non, parce que j'avais des séries de choses à faire. J'écrivais aussi, je faisais un journal de bord quasiment tous les jours, trouver une idée. Et ce qui m'intéressait, c'est à partir d'un événement, même qui paraît être anodin, raconter une histoire pour parler de ce que c'est que les régions polaires, d'une multitude de choses, oui. Non, je m'ennuie pas en général. Ouais, pendant vos missions, que vous soyez seul ou accompagné avec vos scientifiques. Non, je m'ennuie pas, j'écris, je réfléchis, je fais rien. Ouais. Alors, le pôle Nord, vous y retournez toujours, alors à chaque fois avec une embarcation différente. En 2010, vous décidez d'y aller avec un ballon, une rosière. Qu'est-ce que c'est exactement une rosière ? La rosière, c'est un ballon mixte, c'est-à-dire la montgolfière que nous connaissons tous, qui passe dans le ciel de temps en temps, c'est un ballon à air chaud. Donc, dans la nacelle, on a des bouteilles de gaz, il y a des brûleurs, et pff, on chauffe l'air. Et l'air chaud est plus léger, donc il emporte le ballon. Mmh. Pour faire des longues distances, ce qui prend la charge, c'est un ballon d'hélium, dont l'hélium est bien plus léger que l'air. Et puis, pour faire varier l'altitude, on a des brûleurs, pareil au gaz. Et donc, c'est un ballon mixte, si vous voulez, à la fois hélium et air chaud. Et j'avais envie de cette traversée. Et je m'étais imaginé que ça allait être une traversée de sénateurs. Oui, alors le 10 avril 2010, pour cette traversée de sénateurs, une fenêtre météo permet le décollage. Il faut décoller sans tarder. Bonne chance à toi, mon pote. Salut, moi Jean-Louis. C'est super. Ouais. Bon, c'est Thierry. C'est parti. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Donc là, c'est le grand calme maintenant et je monte progressivement au-dessus de Longyearbyen. C'est absolument magique, magnifique. Je commence à deviner les montagnes. Il y a un paysage immense devant moi, fait de montagnes et d'eau. C'est d'un calme absolu. C'est magnifique, c'est comme ça que je l'avais imaginé. Non, j'ai pas une petite émotion, j'ai une énorme émotion. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un moment d'une grande intensité. Et ça devient petit à petit une beauté magnifique. À bord, ça avait l'air calme, au moins au début, si on en croit cet extrait. Oui. Mais la traversée de sénateurs n'a pas été si calme Jean-Louis Etienne. Non, parce qu'en fait, le responsable du vol devait me faire partir avec une veine de vent qui était au moins à 2500 mètres d'altitude. Et je suis parti avec des vents favorables. On ne peut rien faire. Avec, quand vous êtes en ballon, c'est le vent qui décide. Vous ne pouvez décider que de l'altitude, vous voyez. Monter ou descendre et essayer de trouver des courants le plus favorables possible qui vous amènent du Spitzberg, pôle Nord et en Alaska. C'était l'objectif. Et le vent favorable, il était très bas, 300, 400 mètres d'altitude. Donc j'étais souvent dans le brouillard ou sous les nuages, dont les panneaux solaires ne donnaient plus. J'avais plus d'électricité, le pilote automatique ne marchait plus. Donc je devais piloter à la main, c'est-à-dire surveiller en permanence la hauteur. Donc je n'ai pratiquement pas dormi pendant 5 jours ou très très peu. Avec une grosse frayeur à un moment. J'ai eu un incendie qui se déclare. Ouais, sur un brûleur. Là j'ai cru que j'allais mourir. Parce qu'un incendie sur un ballon comme ça, avec des bouteilles de gaz que j'avais autour, et j'ai hurlé, je me souviens, j'ai hurlé, mais j'ai dit, mais non, pas ici, bon sang, mais pas ici, donc je... Et tout d'un coup, dans la seconde, vous dites, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? L'extincteur. Donc je rappelle qu'un extincteur, c'est important. C'est toujours sur la liste des choses obligatoires. Mais là, il m'a sauvé la vie. Et l'extincteur, je l'ai trouvé, on le met, etc., ça s'est arrêté. Et donc j'ai soufflé, parce que j'avais un gros stress, et puis tout d'un coup je soulève le capot, je regarde, j'étais en train de descendre à fond sur mes chouets, il a fallu que je largue des laisses de sable que j'avais pour remonter. Voilà, ça a été, et puis j'avais des hallucinations, parce que le manque de sommeil, des fois l'altitude, parce que je suis quand même monté jusqu'à 6000 mètres à un moment donné pour essayer de trouver du vent. Donc ça a été, et puis j'ai atterri en Sibérie, en zone interdite. Ouais. Ah ouais, vous parlez d'un vol de sénateur. On fait plus calme. Oui. Ouais. Quand on revient d'un vol pareil, hein, vous le dites, au bout de 5 jours, j'avais l'impression que le voyage avait duré un an. J'étais exténué. Vous avez frôlé la catastrophe, hein, la mort, vous venez de le dire. Quand on revient d'une telle expédition, on en tire des leçons. On se dit, cette fois, j'ai été trop loin. Il faut que je me calme, ou ça fait partie du jeu? Non, je me dis pas ça. Non, se calmer, mais c'est naturellement... Vous remarquez, c'était audacieux comme projet. Ah oui. Je me souviens, je suis allé voir mon instructeur, il était à côté d'Amiens, parce qu'il faut apprendre quand même à piloter un ballon. Il m'a dit, qu'est-ce que vous voulez faire? Je dis, vous voulez au pôle Nord et traverser. Il m'a dit, vous êtes déjà pilote? Je dis, non, mais je viens vous voir pour apprendre. Il m'a dit, combien de week-ends vous voulez y consacrer? Aucun week-end, mais tous les jours de la semaine. Et pendant un an, j'ai appris pour passer mon brevet. Donc les choses, je les fais avec minutie, le temps de la préparation. Donc j'ai toujours aimé ça, inventer des choses. Et vous n'avez pas uniquement réalisé des expéditions au pôle, Jean-Louis Etienne. Vous avez aussi passé 4 mois avec des scientifiques sur un atoll perdu dans le Pacifique. Nous allons revenir sur cette expédition dans un instant. Et puis vous nous parlerez aussi de votre prochaine expédition PolarPod. À 72 ans, pas question de prendre votre retraite. L'énergie et l'envie d'explorer sont toujours là. Je viens d'établir une liaison radio avec Jean-Louis Etienne. Pour la première fois depuis plusieurs jours, le soleil a fait son apparition, comblant de joie à son réveil le nouveau citoyen du pôle Nord. Asgeir, c'était Head in the Snow sur France Inter, et la programmation musicale du Vent dans les Synapses est signée Muriel Pérez. Du Vent dans les Synapses, Daniel Fievé. Ça va être bien là. Oh, c'est joli. Jean-Louis cherche un accès. Mais Clipperton est protégé par une infranchissable barrière d'écume. Épaulé par deux plongeurs, il part en repérage. Attention la vague, remonte. Remonte. Jeannot va se mettre à l'eau, essayer de trouver une passe en nageant. Yeah! Cette ceinture de corail a déjà éventré bien des navires. En moins de 6 heures, sous l'œil des maîtres des lieux, 20 tonnes de microscopes, cuisinières, bonbonnes de gaz, bouteilles de plongée, trousses à outils, postes de soudure, vaisselle ou duvet sont déposés sur la plage. Une colonisation pacifique de 4 mois commence. Nous étions en décembre 2004 et vous essayez, Jean-Louis Etienne, d'accoster avec beaucoup de difficultés sur l'atoll de Clipperton. Où se trouve Clipperton exactement? Clipperton avec un nom anglais, mais c'est une île française qui se tourne dans le Pacifique et à peu près à 1000 km au large d'Acapulco, donc au large du Mexique, dans le côté Pacifique. C'est à 10 degrés de latitude nord. C'est une île tropicale, française, ouais. Inhabitée. Et donc l'objectif c'était de faire un inventaire naturaliste, et on y habitait pendant 4 mois. Là-bas vous aviez le rôle du chef de village en quelque sorte. Oui, c'est moi qui officiais, vous savez c'est une île française, elle n'est pas d'habitants, mais elle est sous la réglementation du haut commissaire de la Polynésie française qui m'avait confié d'organiser cette expédition, qu'elle se passe au mieux. Moi j'ai beaucoup aimé, c'était une île déserte, la notion d'île déserte, vous faites ce que vous voulez sur une île déserte, c'était absolument génial, on avait des cabanes au bord de la mer. Ouais. Alors il y avait donc avec vous une vingtaine de scientifiques qui se relayaient, ouais. Pendant les 4 mois. Ah oui, oui, toutes les espèces de Clipperton à surface et sous l'eau ont été visités par leurs spécialistes du muséum, de l'IRD. Beaucoup de chercheurs sont venus, oui. Ouais. Avec au centre de cet atoll une spécificité, un lagon fermé, oui. Qui avait en son temps intrigué Cousteau et son équipe à la fin des années 1970. Ils y avaient plongé dans ce lagon et manifestement la plongée avait été assez rude. Il y a une odeur quand vous sortez de l'eau, épouvantable. Ah non, mais il n'y a pas que ça. Plongez dans l'acide sulfurique. Les mains, on a l'impression d'avoir des mains dans de l'acide sulfurique. Ça brûle, hein, ah oui. Et les yeux, pareil. J'ai pleuré, j'ai senti rouler mes larmes. C'est emmerdant. Regardez la couleur de la bouteille qui est allée qu'à 20 mètres et celle qui est en colère. Laissez voir vos mains, il y a des traces, non, de... Ouais, elles sont un peu noires, oui. Les mains, on a l'impression d'avoir les mains dans la situation. Un extrait d'un documentaire donc de Cousteau. C'est très acide. Hein. Ouais, intitulé. Alors c'était en 1980. Ça, ouais. Le documentaire s'intitulait Clipperton, île de la solitude. Mais Jean-Louis Etienne, vous le confirmez encore de nos jours, ce lagon fermé, est très acide. Ah, le fond est acide. Donc nous avons aussi des plongeurs qui sont descendus. Même la peinture sur les bouteilles de plongée était abrasée par l'acide. Oui, c'était un acide sulfurique qui vient effectivement. C'est une île volcanique, donc il y a encore cette présence-là. Quoi. Et on y trouve dans ce lagon fermé des rien d'intéressant, non, rien d'intéressant. Non, rien d'intéressant. Par contre, autour, c'est plein d'oiseaux. Vous vivez avec les oiseaux et les crabes qui vous montent sur les pieds, les oiseaux qui vous piquent le bec, avec leur bec qui vous piquent les mollets. On vit avec les bateaux. Et puis moi, j'ai eu la chance d'amener mes deux enfants et mon épouse. Et donc, c'était une aventure aussi familiale. Ouais, c'était une aventure familiale. Alors, ils étaient tout jeunes. Hein. L'un avait 10 mois, l'autre avait 3 ans et demi. Oui. Quel souvenir il garde, en tout cas celui de 3 ans et demi, de cette aventure? Rien. Ah oui. Rien, mais je pense que ça reviendra un jour. Et ce dont je me souviens, c'est quand on est revenu à Paris, il est monté sur la table, il regardait par la fenêtre, il m'a dit « Papa, on va pas mourir ici, hein ». Il avait 4 ans et tout d'un coup, il avait tellement connu la liberté, le paradis, si vous voulez. Ouais. Il tient de vous, votre fils, hein, parce que vous aussi, à Paris, vous n'êtes pas forcément très heureux. Il vous faut prendre le large. Il me faut du ciel, un peu. Ouais, il vous faut du ciel. Alors, du ciel, vous allez en avoir dans votre future expédition Polarpod, qui aurait beaucoup plu d'ailleurs au commandant Cousteau. De quoi s'agit-il cette fois? C'est l'étude de l'océan Austral. L'océan Austral entoure l'Antarctique. Là, c'est l'Antarctique, c'est le continent du pôle sud. C'est un océan géant. Qui est un courant qui unit les trois océans, l'Atlantique Sud, le Pacifique Sud et l'Indien, et ce qu'on appelle le courant circumpolaire. C'est les 50e hurlants. C'est le principal puits de carbone océanique de la planète. C'est-à-dire, le CO2 que l'on émet en excès se dissout. 43%, c'est beaucoup, se dissout dans cet océan parce que le CO2 se dissout dans l'eau froide. Et toutes les publications se terminent. On a besoin de mesurer in situ de longue durée. Et l'idée, c'était quel type de bateau on peut construire, de vaisseau, pour être stable dans ces mers de tempête. Et donc, vous c'est avez construit le Polar Pod. Alors, voilà. C'est un grand tube. On va le construire. À quoi ça ressemble, alors? Ça fait 100 mètres de haut. Ouais. Le niveau de la mer, il y a 80 mètres sous l'eau. L'idée, c'est d'être profond, c'est-à-dire vous êtes pris dans des eaux stables. Quand le vent souffle, ça fait des vagues à la surface, mais si vous descendez à 80 mètres, vous êtes pris dans des eaux stables. Et à la surface, c'est un treillis, donc les vagues ne nous percutent pas. Ça va être très stable. On va mesurer l'absorption du CO2. Et autre chose assez particulière, à 80 mètres de tirant d'eau, on n'a pas de moteur, il y a le silence. On va avec des hydrophones, on écoute et on va faire un inventaire de la faune par acoustique parce qu'on connaît la signature sonore de toutes les espèces. Pour avoir une image, c'est un peu comme le bouchon du pêcheur, hein, c'est oui. Vraiment vertical. Alors, ce qu'on appelle la plume, c'est le bouchon qui est, voilà, il y a 80 mètres sous l'eau et 20 mètres au-dessus. Ouais. Et on n'habite pas sous l'eau, on habite sur la partie supérieure. Ouais. C'est le courant qui va nous entraîner. Et on est autonome en énergie. Et quand vous dites on habite, à combien vous allez habiter ? 8 personnes, 3 marins, 4 ingénieurs, scientifiques, et moi quand je suis ici, ou un autre. 8 personnes est relayées tous les 2 mois parce que le tour devrait durer 2 ans. Alors ça devrait durer 2 ans, le vaisseau n'est pas encore construit ? Non, on aboutit dans les montages financiers à l'heure actuelle. Oui, c'est-à-dire qu'on peut imaginer que... Fin 2022, début 2023, le départ. Donc vous y participerez. Ah oui, oui, j'espère. Ouais. Vous disiez tout à l'heure, voyez, j'y reviens, 72 ans, juste une petite parenthèse pour dire à tous les jeunes et tous ceux qui nous écoutent, l'envie, moi ce qui me fait pousser, ce qui me maintient, c'est l'envie, vous voyez. Mmh. Et l'envie, c'est précieux. C'est précieux, mais c'est en même temps fragile, une envie, vous voyez. Et donc je ne suis pas inoxydable, mais ça veut dire quand vous avez quelque chose qui vous plaît, il faut y consacrer du temps, du travail, de la persévérance. C'est comme ça que je suis arrivé à me construire. Et donc, je le dis à tout le monde, parce que tout le monde est fait de ça. On a toujours l'impression que les autres peuvent. Non, chacun, votre capital, c'est vous, ceux qui nous écoutez. Donc, quand vous aurez 75 ans, vous embarquerez à bord de ce Polar Pod. Si je peux, oui, bien sûr, mais c'est prévu. Je pense y arriver quand même. Ouais. C'est formidable, cette histoire. J'espère que vous viendrez nous en parler ou qu'on pourra faire des liaisons. Avant, on va partager la construction, déjà. C'est un truc tellement spécial, quoi. Alors vous allez participer, Jean-Louis... C'est un navire vertical. Oui, navire vertical. Vous allez, Jean-Louis Etienne, participer le week-end prochain au festival de la Cité des Aventuriers qui se déroulera à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris. 2 jours pour rencontrer des hommes et des femmes qui parcourent la planète et aident à mieux la connaître, comme vous. Et dans un instant, nous allons faire connaissance avec une autre participante, Élodie Haro. Elle est partie cet été sur les traces du radeau de la Méduse et elle va nous raconter son expédition. Fireflies. Sit Around and Miss You, c'était The Black Keys. France Inter, du vent dans les synapses. Mais pourquoi ce détour? Ça le rallonge, considérablement. Le banc d'Arguin. Le banc d'Arguin? Le banc d'Arguin, des bancs de sable, au large du Sénégal. Je n'en vois aucune trace sur ma carte. Non, mais ils existent. Ils sont redoutables. Ils sont à fleur d'eau. On dit même qu'ils changent de place au gré des saisons pour attirer les navires. Je vais vous faire un aveu. Je les ai sans cesse à l'esprit depuis notre départ. Comme si nous avancions sur eux, droit sur eux. Un extrait du film Le Radeau de la Méduse avec Jean-Yann, car nous allons partir sur les traces du Radeau de la Méduse. L'explorateur Jean-Louis Etienne est toujours avec nous et Élodie Arrault nous a rejoint. Bonjour. Bonjour Jean-Louis, bonjour Daniel. Bonjour Élodie. Avec votre mari Dominique Bleichner, vous êtes parti cet été sur les traces du Radeau de la Méduse sur la côte mauritanienne. Nous sommes à l'ouest de l'Afrique. On y trouve donc le banc d'Arguin, même nom que celui d'Arcachon, mais nous ne sommes pas du tout au même endroit. Non. Et ce banc d'Arguin a été le théâtre du célèbre naufrage de la Méduse, qui est souvent assimilé à une fable, hein, oui. Ce naufrage, mais qui a bel et bien eu lieu en 1816. Le 2 juillet 1816, exactement. Rappelez-nous l'histoire de ce naufrage, Élodie Arrault. Alors, vous avez raison, beaucoup de personnes pensent que c'est une fable et c'est une histoire vraie, tragique. Ça a eu lieu il y a 203 ans, mais en fait, cette année, le bicentenaire du tableau, puisqu'en fait, de Géricault, puisque c'est ce tableau qui a rendu encore plus célèbre l'histoire, en fait, c'est l'époque où la France récupère le Sénégal et Louis XVIII décide de repeupler et d'envoyer des colons. 4 bateaux partent de France pour rejoindre Saint-Louis, dont la frégate La Méduse, qui, elle, s'échoue parce qu'elle préfère aller plus vite que les autres. Et puis, le commandant n'écoute pas les signaux qui lui sont envoyés parce qu'il pense avoir reconnu le Cap Blanc et bifurque beaucoup trop tôt vers le Sénégal et se tanque dans le fameux banc d'Arguin. Donc dans ce banc de sable. Dans ce banc de sable, absolument. Oui. Donc à très peu de profondeur, hein, à 8 mètres maximum. Et alors là, il y a des rescapés et est construit ce fameux radeau de la Méduse. Oui, en fait, il n'y a pas assez de canaux et de chaloupes pour embarquer tout le monde. Donc il y a 6 canaux qui partent, mais il reste encore 150 hommes à faire partir. Donc un radeau est construit, qui est au départ tracté par les canaux, mais très rapidement, ils s'aperçoivent que ce n'est pas possible. Donc l'histoire dit que les cordes auraient lâché, mais en fait, la vraie histoire, c'est que de toute façon, ils se sont dit que ce n'est pas possible, il faut que nous, on rentre, et puis on viendra les chercher après. Donc voilà. Les chaloupes, en fait, ont lâché les cordes. Absolument. Ce radeau était surchargé, c'est-à-dire qu'il flottait à peine, il était à... Il flottait sous l'eau, il flottait à 1 mètre sous l'eau. Donc il faut imaginer 150 personnes sur un radeau qui fait 20 mètres par 7. La plupart des personnes non plus ne savent pas nager. Donc déjà rapidement, dès la première nuit, ça fait des dégâts. Ouais, on comprend hein, cette fable du radeau de la Méduse, hein, voilà. Tout va de mal en pis. Certains vont être sauvés parce que les chaloupes y retournent, mais pas pour sauver les naufragés, mais parce qu'il y a des trésors à récupérer sur le bateau. Oui, il y avait en fait, quand ils sont arrivés à Saint-Louis, le fameux commandant décide de retourner sur l'épave parce qu'il s'imagine qu'il y a effectivement ces barils, ces 3 barils à récupérer. Et en fait, en chemin... Barils d'or qu'est-ce qu'il y a à bord de ces barils? Oui, c'est des pièces ou de l'or, enfin, je ne sais plus exactement. Et en fait, ils s'aperçoivent en chemin qu'il reste 15 rescapés sur ce radeau. Entre-temps, ils se sont entretués, ils se sont même mangés, hein, puisque c'est l'histoire de cannibalisme. Et il les ramène, 5 meurent encore en trajet, donc il n'y en a que 10 qui rentrent. Voilà. Et vous avez eu envie de partir sur les traces de ces naufragés du radeau de la Méduse. Il faut aussi décrire le lieu, hein, superbe, avec ce banc d'Arguin. Décrivez-nous cet endroit. Alors, ça se trouve donc sur la côte atlantique. Ça fait partie du parc national du banc d'Arguin. Hein. Ça représente un tiers de la côte atlantique de la Mauritanie. C'est une des plus grosses réserves ornithologiques d'Afrique de l'Ouest. Parce que c'est un site de passage pour les oiseaux migrateurs. Oui, c'est un site très important de migration pour les oiseaux, avec notamment des flamants roses, des pélicans. Alors vous vous êtes rendu sur place avec l'idée de reconstruire un radeau et de refaire ce trajet. Mais comme souvent avec les expéditions et l'aventure, ça a dérivé. Ça a dérivé, tel voilà, le radeau, voilà. Votre aventure a dérivé. Alors comment ça s'est passé? L'idée initiale est celle-ci, c'était en fait on aime bien aller sur la trace d'aventuriers ou d'explorateurs. Donc il y avait à la fois cette histoire du radeau de la Méduse et puis aussi les traces de Théodore Monod qui est passé par là, qui lui-même a demandé à ce que cette zone soit protégée et que le parc national soit créé. Donc voilà, l'idée c'était d'aller sur les traces du radeau, de construire un radeau, d'aller au point d'échouage et de se laisser dériver. Et quand on a fait une reconnaissance, on s'était imaginé un tas de choses sur cet endroit pour construire ce radeau. Et en fait, le Sahara va jusqu'au bord de l'eau et il n'y a rien. Il n'y a rien sauf du plastique. Et donc, on a décidé de construire ce radeau avec ce qu'on allait trouver. C'est-à-dire, voilà. En fait, les débris de plastique qui sont charriés là par les courants marins. Oui. À partir de donc, ces vieux bidons, ces bouteilles. Vous avez construit avec la population locale un radeau. Oui, finalement, pour l'instant, ce premier grand chapitre, ça a été avec les employés du parc national et avec les villageois. Ça a été d'aller sur les îles où sont ces oiseaux, ramasser tous ces débris. Et au fur et à mesure de la collecte, garder ce qui allait nous servir à construire le radeau, qu'on a construit avec les enfants, puisque eux-mêmes construisent ces petits radeaux, puisqu'ils n'ont pas le droit au moteur dans cette zone, construire le radeau avec eux. Voilà. Et alors, ce radeau a été mis à l'eau, et comme le veut la tradition, avec les youyous qui accompagnent... Femmes, voilà, en guise de champagne, voilà. Alors ça, c'est vous qui avez enregistré le son que l'on entend. Oui, je ne sais pas si c'est de bonne qualité, mais c'est nous qui l'avons enregistré. On était les premiers surpris, parce que les femmes sont arrivées d'un coup, c'était elles qui font ça. En fait, les bateaux à moteur sont strictement interdits, donc ce sont des lanches, des bateaux à voile latine qui permettent aux imraguen de pêcher. Et il y en a 114 exactement sur cette zone, ils sont immatriculés. Et quand un bateau est remplacé, il est mis à l'eau officiellement avec tous ces yuyus qu'on vient d'entendre. Voilà. Jean-Louis Etienne, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire où ça me fait un peu penser à ce que vous vivez, parce que à chaque expédition, une nouvelle idée d'expédition naît. C'est toujours un peu comme ça, hein, de fil en aiguille. Oui, on devient entrepreneur permanent d'expédition, hein, vous voyez, parce qu'en fait votre histoire, elle en appelle une autre. Quoi. Exactement, voilà, on va y retourner. Voilà. Et donc ça va être comme ça. Et puis il y a une rencontre des fois inattendue sur le terrain qui fait que si on faisait, voilà. Donc on l'évoquait. Il faut être endurant au sens où mener cette vie de rêve en fait, parce que c'est la partie émergée d'un long travail pour trouver des soutiens, des financements, des autorisations. Cette zone est très riche là parce qu'il y a des remontées, ce qu'on appelle les upwelling, c'est-à-dire les courants profonds qui remontent là. Les courants froids, oui. Et voilà, et qui amènent beaucoup de richesses. C'est pour ça qu'il y a à manger pour toutes ces espèces qui sont là. Quoi. Alors du coup, ça a évolué, c'est-à-dire que vous allez y retourner et ça se transforme en une démarche écologique de ramasser tous ces déchets qui jonchent les plages. Oui, en fait, il y a plein de tiroirs dans cette histoire. Hein. Donc, il y a eu le volet historique. On a même rencontré une aïeule d'un rescapé qui elle-même sculpte et a sculpté un radeau de la Méduse en bois qui est impressionnant. Il y a le volet donc, écologique avec le ramassage des déchets avec la participation du parc national, puisque vous parliez d'autorisation. Ça, là, c'est vraiment, en l'occurrence, super important. Il y a le volet endurance, expédition qui va perdurer. Effectivement, on ne perd pas de vue de faire cette traversée en radeau avec les autorisations. Il faudra qu'il soit bien conçu. Hein. Il ne s'agit pas de votre radeau fait de détritus. S'il se désagrège, vous allez ouais, c'est ça. On ramassera tous, c'est promis. Et puis, il y a aussi l'idée d'une méharée. Donc, une traversée du désert avec des dromadaires. Pour aller sur les traces de Théodore Monod, puisque finalement, ça a été sa première méharée en 1923. Vous avez le virus du désert. Voilà. Ah, oui, hein. C'est cet endroit qui lui a donné le virus du désert, en fait. Oui, hein. Il étudiait les poissons à Port-Étienne. Oui, oui. Et puis, il avait la chaire de l'ichtyologie. Voilà. Ouais, ichtyologie, c'est l'étude des poissons. Merci à tous les deux, Jean-Louis Etienne et Élodie Arrault. On pourra découvrir votre radeau à la Cité des Sciences et de l'Industrie le week-end prochain, puisque vous allez l'un et l'autre participer à la Cité des Aventuriers, qui se déroulera donc à la Cité des Sciences et de l'Industrie le week-end prochain. Jean-Louis Etienne, vous y présenterez le dimanche 22 septembre à 15h30 une conférence sur les pôles acteurs et témoins du climat. Et vous, Élodie Arrault, vous serez présente pendant les deux jours avec votre radeau. D'autres explorateurs et aventuriers hein, à rencontrer. Il y aura par exemple Jean-Jacques Savin qui a 70 ans passé à traverser en début d'année l'Atlantique dans un tonneau à la dérive. Mathieu Tordeur qui a rejoint le pôle sud à ski en début d'année. Vous avez parrainé Jean-Louis Etienne son aventure. Beaucoup de films aussi seront projetés. Nous allons mettre sur la page de l'émission sur franceinter.fr un lien vers le programme de ce festival La Cité des Aventuriers qui se déroulera donc du 21 au 22 septembre à Paris. Merci Jean-Louis Etienne et Élodie Arrault. Bon vent et bonne chance pour vos futures expéditions. Et à la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes et à tout de suite pour la preuve par Z avec Jean-François Zigel.